Appelle-moi Mola, chef spirituel qui carbure pas au cola ni à la coca. America hijo de puta. Je revendique tout ce que je crois, je revendique ce que je vois, ce que je veux, ce que je me dois. Et m'octroie le droit de te donner le choix de réfléchir à ce qui se voit, ce qui se lit, ce qui s'écoute. Les médias dans les débats mettent le doute dans ta soupe d'informations quotidiennes. Dis à ta sœur d'enlever le voile et qu'elle devienne une chienne. C'est méthodique et calculé, l'actualité est à vendre plus offrant. La vérité, plus personne la défend, ça devient tabou, un genou à terre. Tu bouffes ce qu'on te sert, plus le mensonge est gros, tu le racontes à tes frères. Tu dis que c'est vrai, ouais, comme la fuite du Mola sur son 103 quitté avec peine poursuivi par les forces alliées. Ça cherche des armes de destruction massive qui pourraient nuire à la planète, ouais. Mais n'oublie pas l'oncle Sam sur ton fauteuil. Nagasaki, Hiroshima, certains sont encore en deuil. Tu l'as oublié ça, hijo de puta, hein. America, je veux pas être américain, mais anti-America. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra un coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra un coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. Tout commence à cause d'un connard qui cherchait les Indes. Quelques années plus tard, le peuple nous rattachait à des chaînes. Aujourd'hui encore, les cris résonnent. L'Amérique, Smith et Wesson avec Israël, Bush et Sharon. Double gagnant pour nickel monopole. En Palestine, les terres, en Irak, le pétrole. Et accessoirement, des ogives nucléaires. Le monde entier sait qu'il y avait que dalle. Mais ça ne les empêche pas de poursuivre comme à l'époque au Vietnam. En Occident, les mosquées sont surveillées par les RG. Car à leurs yeux, tout musulman est un terroriste potentiel. Paradoxal quand on sait que Baruch Goldstein, idole de la jeunesse israélienne, a massacré une trentaine de frères musulmans pendant leur prière. Cherche pas la rime, on cherche le sens de ses vers. À force d'allumer la mèche, ça risque de péter sévère. La bande de Gaza, une vraie poudrière. Pour chaque pierre jetée, pour chacun de nos frères tombés, ce morceau en guise de prière. Pour chaque pierre jetée, pour chacun de nos frères tombés, ce morceau en guise de prière. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra un coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions. On veut faire la morale et donner des leçons. On prendra un coup de balle s'il y a une rançon. Même si ton argent est sale, c'est quand même du pognon. Nous on nettoiera nos actes en justifiant nos actions.